La strat noire que je vois sur la photo, Vanish, Ouais. c'est une mexicaine, une japonaise, une US Je crois que ou c'est c'est autre japonaise, chose? parce qu'en fait c'est une Hondo. Hondo, c'est coréen, japonais. Attends, j'ai une photo de entière, attends. Faudrait que je retrouve. C'est marqué quoi sur le manche? Parce que les Mexicaines, elles sont marquées Mexique. Il y a marqué Fender Mexique sur le manche, sur la crosse. T'as regardé sur la crosse ce qui est marqué? Ou au dos de la crosse? C'est marqué Hondo. C'est indonésien. Indonésien. Parce que sur une vraie Fender, au dos, c'est juste marqué numéro de série. Et devant, c'est marqué Fender Stratocaster. Et en général, ils mettent mexicaine, japonaise ou autre chose. Ouais, tu m'entends? La plaque verte derrière, tu veux dire? En vrai, je crois que c'est pas une vraie. Je sais pas parce qu'en fait il y a un marqué dessus. Ça va pas être une vraie, mais bon. Les gars, je vais vous laisser là. Ça va être l'heure, je vais préparer la table là. Ok. Je vous dis peut-être à ce soir, là, si je m'emmerde devant la télé, je reviendrai sur Nimbot. Je Ok, vous dis à plus on les va plus gars. tard. Ciao, ciao, bye bye. Attends, je vais t'envoyer, Phil, une photo de sur.